casa. Mwen ni temo mwen koze bau, asi za kote mwen doudou. Vanse bon mwen, anko ti mwen. Mwen se voudou a senti chale ou a kote mwen. Ou an parol ou te di mwen, ou an zye dou ou te fe mwen. Ou an ti bo, an ti sin bo. An sel klete an i ou ve, dou vansi e mwen. C'est pour nous, pour un marinel, tout plaisir nous paie. Gossa, gossa l'eau. Moi ni démon, moi cause et mort, assis à côté, moi doudou. Se bon mwen, ankon ti mwen. Mwen se voudou a senti chale ou a kote mwen. Ou an parol ou te di mwen,